Ouais, salut à toute l'équipe. Oh là là, vous parlez de Dark Souls, quoi. C'est tellement bien. C'est tellement bien. Alors personnellement, moi, Dark Souls, ça a été mon occupation du premier confinement. J'ai enchaîné les trois opus et c'est vraiment un truc que j'oublierai jamais parce qu'en effet, c'est une leçon de vie, je pense. Moi qui étais très nerveux sur certains jeux triple A, bah aujourd'hui, je suis devenu carrément Bouddha grâce à Dark Souls, que je remercie. Vous parlez de Dark Souls, c'est juste ça déjà. Voilà, ma soirée est refaite. Je lance votre podcast, je m'arrête tout de suite pour juste vous faire un message pour vous dire, mais vous parlez de Dark Souls, les gars, c'est vraiment tellement génial. Mesdames, messieurs, merci beaucoup, c'est tellement cool. Ouais, bonjour Blockbuster. Merci pour vos émissions, en particulier celle sur Dark Souls que j'ai beaucoup aimé. Je suis un gros gros fan moi des jeux From Software. Il y en a quand même un auquel j'ai pas adhéré, c'est Sekiro. Et je comprends pas c'est quoi le projet de nous forcer à jouer un personnage dextérité. Moi dans un Souls, si je joue pas un perso qui a une grosse épée à deux mains, c'est parce que je joue un perso qui a deux grosses épées à deux mains. Alors les ninjas et katanas, c'est bien gentil, mais non, merci quoi. Moi, dans Berserk, je veux être Guts, je veux pas être Griffith. Voilà. Merci. Oui, bonjour, enfin bonsoir plutôt Blockbuster, je viens d'écouter le podcast sur From Software. Je le connaissais de réputation des jeux Dark Souls, tout ça. J'ai jamais joué malheureusement, ça m'a donné beaucoup plus envie d'y jouer que d'écouter de la K-pop. Bah ouais, c'est comme ça des moments. Et je fais les goûts. Bref, voilà, j'ai bien aimé votre émission, j'adore toujours cette émission de toute façon, et puis je vous appelle régulièrement. Alors voilà, je vous fais encore des bisous et à bientôt avec Isaac Asimov. Des bisous. J'adore Wall-E. Vous voyez qui est Wall-E? Ce film des studios Pixar avec ce petit robot monté sur des chenilles. Un mini Johnny Five pour ceux qui connaissent. C'est un robot qui compacte du métal sur une terre polluée et abandonnée par l'humanité. Son seul ami dans le film, c'est un cafard. Et tout ce qu'il sait des humains, il le tient des comédies musicales des années 50 qu'il regarde sur son vieux magnétoscope VHS entre deux tempêtes de sable. Wall-E, c'est une de mes comédies romantiques préférées. Il y a une sorte de pureté et de candeur dans l'amour que Wall-E porte à Eve, cet autre robot tout blanc designé comme un produit Apple, qui m'émeut à chaque fois. Et pourtant, c'est qu'un robot. Un appareil mécanique programmé pour effectuer une tâche à la place des humains, une machine. Pourtant dans Star Wars, personne ne peut nier le courage de R2-D2. On a forcément été agacé par 6PO, le droïde protocolaire incarné par Anthony Daniels. Dans K2000, ça n'est pas manquer de respect à David Hasselhoff que de dire qu'il était quand même vachement moins charismatique que Kit sa bagnole. Étonnamment, dans les fictions, les robots servent à célébrer ce qu'il y a de plus singulier dans notre espèce, nos émotions. Pourquoi les robots sont-ils si touchants? Il faut savoir que le terme robot vient d'un mot tchécoslovaque, robota, qui signifie travail ou corvée. Un robot, étymologiquement, c'est un ouvrier programmé à travailler sans jamais s'arrêter. Lorsque la fiction le montre se laissant aller aux émotions, ce qui nous touche en tant que spectateurs, c'est de voir un avatar de travailleur tentant de s'échapper, d'échapper à sa condition sociale. Les films avec des robots, c'est ni plus ni moins que du Ken Loach avec des effets spéciaux. France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça là. Frédéric Sigrist. Ma série de livres Fondation, Fondation et Empire est une épopée politique. Elle exprime mes vues. Les individus sont, sur une large échelle, les marionnettes de mouvements sociaux qui les dépassent. Il est impossible pour l'individu de remonter le courant de l'histoire humaine. Au fond, peu importe notre action, le mouvement nous entraîne. C'est une sorte de déterminisme social. A kind of social determinism. Si on devait désigner un des pères fondateurs de la science-fiction moderne en littérature, à n'en pas douter, le nom d'Isaac Asimov serait cité très très vite. Auteur prolifique qui, tout au long de sa vie, n'a eu de cesse de relier toutes ses œuvres, composant une tapisserie visionnaire qui a ensuite influencé des œuvres aussi majeures que Matrix, Star Trek ou encore Star Wars. Pourtant, en 1941, rien ne prédestinait cet immigré russe, étudiant en chimie, à devenir un des auteurs de SF les plus influents sur papier comme dans la vie. Inventeur des fameuses trois lois de la robotique, mais aussi de la psychohistoire, il y a dans son cycle des robots et dans son œuvre culte Fondation, les prémices et toutes les obsessions qui composent notre société moderne. Pour revenir sur l'incroyable vie et le travail de cet auteur, j'ai avec moi Natacha Vazder, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes enseignante et chercheuse à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de la science-fiction littéraire et cinématographique, lauréate du Grand Prix de l'Imaginaire en 2013 et 2016 pour les ouvrages « Ces Français qui ont écrit demain » et pour les carnets chronolithiques de Michel Jury. Vous êtes aussi cofondatrice et présidente depuis 2020 du festival Hypermonde consacré à la science-fiction et à l'imaginaire sur Bordeaux. Avec nous également L'Œil de Chéri, bonjour. Bonjour Frédéric. Bon, alors on vous représente, hein, parce que les auditeurs de France de Blockbuster vous connaissent bien. Vous êtes journaliste pour le Point Pop, spécialiste de la science-fiction, et vous animez le brillant podcast C'est plus que de l'ASF, et avez également produit un MOOC consacré à Dune. Heureux de revenir sur Blockbuster. Avec nous, bonjour Anne Besson. Bonjour, bonjour à tous. Vous êtes professeur de littérature comparée à l'Université d'Artois et autrice de l'ouvrage Les pouvoirs de l'enchantement, paru aux éditions Vendémiaire. C'est bien ça. Et avec nous, on est ravis de recevoir Bernard Werber. Bonjour Bernard Werber. Bonjour Frédéric. Vous êtes écrivain, votre dernier roman La planète des chats est paru l'automne dernier et vous avez publié également l'adaptation de votre trilogie sur les chats en bande dessinée Demain les chats pour le premier volume. Exactement. Miaou. Ensemble, on va retracer la vie d'Isaac Asimov. On tentera de vous faire découvrir l'homme derrière l'auteur. On analysera son héritage littéraire du cycle des robots à Fondation. On verra en quoi son œuvre, par bien des aspects, s'est montrée visionnaire. Bref, dans ce blockbuster, on va essayer de vous donner envie de lire ou bien relire le grand Isaac Asimov. À mesure que Trantor devient plus spécialisé, Digal, elle devient plus vulnérable, moins apte à se défendre. Qui plus est ? À mesure que s'y développe l'administration centrale de l'Empire, la planète devient une proie plus enviable. Étant donné les difficultés croissantes que soulève le problème de la succession impériale, les querelles toujours plus violentes qui opposent les grandes familles les unes aux autres, le sentiment de la responsabilité envers la société va s'affaiblissant. C'est suffisant. Et quelles sont les probabilités numériques de destruction totale d'ici 3 siècles ? Je ne saurais vous le dire. Voyons. Vous savez tout de même faire une différenciation de champs. Un sentiment de stress gagna Gal. Seldon ne lui proposait pas d'utiliser sa calculatrice. Elle était là pourtant, à portée de main. Dans un effort surhumain, il se mit à faire le calcul de tête. Il sentit bientôt son front se couvrir de sueur. « Dans les 85% » dit-il enfin. « Pas mal, » dit Seldon, en avalant sa lèvre supérieure. « Mais ce n'est pas encore ça. Le chiffre exact est de 92,5%. »« Voilà donc pourquoi on vous appelle Cassandre Seldon, » dit Gal. « Je n'ai rien vu de tout cela dans les publications scientifiques. »« On ne peut pas publier des choses pareilles, voyons. Vous ne pensez tout de même pas que l'Empire irait révéler ainsi sa faiblesse. C'est la base de la psychohistoire la plus élémentaire. » C'était un extrait du cycle de Fondation lu par Alex Vizorek qui avait des faux airs de Fabrice Luchini de temps en temps. Merci à toi Alex. Alors première question, Anne Besson, d'où vient Isaac Asimov ? Alors il est issu d'une famille juive russe qui a émigré aux États-Unis à la suite de la Révolution de 17. Donc lui il est né en 1920 à peu près, hein, on n'a pas on ne connaît pas sa date de naissance exacte. Il n'avait pas accès aux archives familiales qui avaient été donc laissées derrière eux dans l'exil. Et il se réinvente, hein, en auteur américain assez tôt dans son existence. Et hein. D'ailleurs, Asimov, c'était pas son nom d'origine. C'est une manière d'écrire son nom russe, mais traduit littéralement. Ouais, c'est le O se prononce A, c'est ça ? Oui. Quand on accentue pas le O en russe, il se prononce A. Et puis il va mettre un S au lieu du Z. C'est une faute d'orthographe qui est encore régulièrement faite, mais qui insistait beaucoup. My name, spell my name with an S. Alors évidemment, on sait que les États-Unis c'est le lieu de tous les possibles. On arrive en tant qu'immigré et on peut se réinventer. Mais au départ, faut quand même bien manger. Donc dans quel milieu a-t-il grandi ? Il a une famille nombreuse, c'est des petits commerçants, et lui doit toute sa jeunesse faire des petits boulots, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais c'est pour lui une chance puisque ça va lui permettre d'être vendeur de journaux et de lire énormément les journaux qu'il vend, les pulps, qui n'ont pas trouvé preneur, hein, donc les pulps, hein, c'est ces magazines bon marché où se développent les littératures de genre, et lui est un grand fan, hein, dès son plus jeune âge. Est-ce qu'il a toujours eu des prédispositions à l'écriture ou c'est quelque chose qui est arrivé beaucoup plus tard? Est-ce qu'initialement il se destinait à une autre carrière? Alors, bah, il hésite entre la science et l'écriture. Ça, c'est évident puisque il va mener des études assez tard. Il va prendre des cours du soir, puis il va réussir à rassembler assez d'argent pour passer son diplôme et son doctorat. Et en parallèle, très tôt, il commence à proposer des nouvelles auprès des magazines de science-fiction et il commence à publier. Il a 18 ans. L'œil de Chéri, dans cette grande galaxie des auteurs de science-fiction, Asimov se taille un peu la part du lion. Qu'est-ce qu'il représente pour le lectorat de science-fiction, Asimov? Alors, Asimov, il est considéré comme un des trois plus grands auteurs de science-fiction de la partie de l'âge d'or de la SF américaine, donc entre 1939 et 1960. Il est presque au même niveau que Arthur C. Clarke, qui a fait 2000 ans de l'espace, et Robert A. Heinlein, qui a fait Starship Troopers. Asimov, il est considéré aussi comme un géant puisqu'il a eu plusieurs vies. Donc il y a eu toute la partie des années 30 aux années 50 où il va écrire des nouvelles et les plus grandes, donc les robots fondations, donc des récits qui vont être énormes. Puis après il va ralentir sa production, souffrant d'un manque d'inspiration entre les années 50 et les années jusqu'aux années 80. Et puis il va se lancer dans la vulgarisation scientifique. Il est très connu aux États-Unis dans les années 60 pour être un grand vulgarisateur. Il a écrit à peu près environ 300 livres autour de la vulgarisation scientifique. Donc c'est un personnage qui est culte pour ce qu'il a apporté à la science-fiction. Et il est aussi très connu dans le monde, en tout cas pour toute une génération d'enfants qui regardaient Isaac Asimov à la télé parler de la science. Et puis après, il revient vers la SF dans les années 80, en passant un peu par le polar dans les années 70. Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'Isaac Asimov était le Bogdanov Un petit peu, ouais. Américain. Ouais. Et peut-être pas autant parce que il a un doctorat quand même, Asimov, en biochimie, donc c'est quelqu'un de scientifiquement assez. Oh, le vieux tacle, je l'ai vu, le tacle au Bogdanov. C'est ce qu'on moi, j'ai pas d'avis personnel sur les Bogdanov, mais on reproche souvent des problématiques scientifiques des fois. Mais en tout cas, Asimov était reconnu d'un point de vue scientifique. Et après, il va se mettre à gérer un empire, l'empire Asimov. Donc c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il a eu plusieurs vies en fait en l'espace en l'espace de sa propre vie, et puis c'est un des rares auteurs de science-fiction qui meurt du sida suite à une transfusion. Il meurt du sida en 1992, donc c'est même la fin de sa vie est assez assez étrange qu'on y repense finalement. Et puis c'est un personnage, on y reviendra dans le podcast, qui a aussi une grande part d'ombre. Oui. Natacha Vazder, une des singularités d'Asimov en tant qu'auteur, c'est qu'il a surtout écrit des nouvelles et non pas des romans, et en commençant très jeune. Et est-ce que ça change quelque chose dans la manière de développer un imaginaire que de travailler sur des formes courtes plutôt que sur des grands romans fleuves? Ah oui, tout à fait, parce que c'est lié en fait au contexte éditorial de la fin des années 30. En fait, aux États-Unis, il y a très peu de maisons d'édition qui vont éditer des romans de science-fiction. Et donc le support en fait d'édition, ce sont essentiellement les pulps, hein, comme Anne l'a précisé tout à l'heure. Et à partir des années 50, les maisons d'édition se développent, et donc les grands auteurs de cet âge d'or, dont Asimov en fait, réalisent que ils ont écrit tout un imaginaire, tout un univers, hein, puisque on peut dire par exemple, Fondation, c'est un véritable livre univers. Et donc ils vont réécrire en quelque sorte. Alors, ils vont essayer de coller d'abord, de faire coller en fait leurs nouvelles ensemble, là, narrativement. Alors soit ils les réécrivent un petit peu, soit ils écrivent ce qu'on appelle du paratexte, c'est-à-dire des sortes d'interstices narratifs qui vont permettre de donner en fait de la cohérence à l'univers. Et en ce qui concerne Asimov, en fait, un petit peu par exemple comme Le Demain des Chiens, donc de Simak, il crée en fait ce qu'on appelle un fix-up, c'est-à-dire des romans qui sont créés à partir des nouvelles. Alors pour le cycle des robots, eh bien ce sera plutôt des recueils de nouvelles, mais après de ces recueils de nouvelles vont naître des univers, enfin un univers romanesque avec donc un ensemble donc de romans. Et puis pour Fondation, il va commencer par des nouvelles en fait dès la fin des années 30, et puis il va le reprendre, il va créer son univers dans les années 50, 51, 53, et puis après il le reprendra encore. Bon, c'est un petit peu moins important peut-être dans le cycle de Fondation, mais il va quand même réécrire quatre romans à partir des années 80. Voilà, donc c'est une sorte de plasticité ambiguïté en fait formelle entre la forme courte et la forme longue, mais en tout cas je pense que le résultat c'est la création véritablement de deux univers tout à fait extraordinaires. Et est-ce qu'il a connu le succès immédiatement ou est-ce que c'est arrivé un peu plus tard ? Non, il a connu sa toute première nouvelle. Il l'a publiée chez Amazing Stories en 39. La seconde en 1941, qui s'appelle Quand les ténèbres viendront à Snowding. Et déjà cette nouvelle, en fait, elle a été saluée par la critique. Donc très très vite, en fait, Asimov va connaître quand même un succès grandissant. Et puis il va aussi faire partie d'un groupe qui s'appelle les Futurians entre 1938 et 1945, qui vont un petit peu renouveler justement. Eh bien, la science-fiction de l'époque, on va quitter en quelque sorte l'ère Campbell pour justement être dans une science-fiction plus sociologique, plus progressiste. Donc en fait, Asimov, il a l'art aussi de surfer, je pense, sur vraiment les grandes tendances de son temps et en même temps d'être en avance, vous voyez, par rapport à la robotique et à ses fameuses trois lois. Bernard Werber. Là, je me tourne vers l'auteur de science-fiction. On connaît votre œuvre incroyable, Les fourmis, etc. À quel moment vous avez découvert Asimov et vous vous êtes dit « Oh, tiens, voilà quelqu'un qui je ne sais pas si dans une certaine mesure ça vous a inspiré ou non. » Alors, j'avais 13 ans, c'est un ami qui m'a dit « Lis ça », parce qu'à l'époque, j'essayais de lire la science-fiction, je trouvais ça ennuyeux. Je trouvais que c'était juste du Far West, où on avait remplacé les Indiens par des types avec des antennes qui étaient ouverts. Et je voyais vraiment pas l'intérêt. Et il m'a dit « Lis ça ». Et ça a été un choc. Mais un choc, c'est comme si tout d'un coup, moi je l'ai pris au premier degré, c'est-à-dire je me suis dit « Ce type, donc Fondation, est en train de me raconter le futur ». Parce qu'il explique bien que c'est un truc de probabilité, que c'est quelque chose que l'humanité avance par cycle. Et ça, j'avais toujours perçu ça. C'est-à-dire, quand je regarde l'histoire en arrière, j'ai l'impression que la chute de l'Empire romain a suivi une période de barbarie et qu'après, il a fallu attendre la Renaissance et que à nouveau, on évolue et à nouveau, il y a risque de retour à la barbarie et que c'est comme ça qu'avance l'humanité, ce que j'appelle trois pas en avant, deux pas en arrière. Et là, je voyais enfin toutes mes intuitions expliqué scientifiquement, et ça a été, comment dire, ça a été, je me suis dit, voilà, il me montre le chemin. Je vais même plus loin, je vais dire, je le prends pour une sorte de Nostradamus moderne, ce qui est, je l'ai pris comme un prophète. C'est-à-dire, il ne fait pas que raconter des jolies histoires pour nous distraire, il est en train de nous expliquer où nous allons, tous ensemble, et pourquoi nous y allons, et comment fonctionne, en fait, l'histoire, ce qu'il appelle la psychohistoire. Le deuxième choc, ça a été le concept d'encyclopédie. Donc, j'avais déjà commencé à faire l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, et j'ai vu comment il dit, ceux qui détiennent l'encyclopédie, en fait, sont les gardiens de la sagesse de l'humanité, et ça aussi, c'était une intuition, et de le voir comme ça, ça m'a évidemment énormément motivé pour écrire, et je dirais que c'est mon papa. C'est-à-dire, je considère que j'ai trois papas. Mon premier papa, c'était Asimov, le deuxième, c'est Frank Herbert, et le troisième, c'est Philippe K. Dick. Et ça avec... va, la paternité. Hein. Non, mais avec ces trois-là, j'étais inspiré pour écrire sans cesse. J'ai commencé à écrire des nouvelles, mais je pense que c'est la meilleure motivation pour créer une nouvelle génération en France d'auteurs de science-fiction, c'est de commencer par lire Asimov 1, Frank Herbert 2 et Philippe K. Dick 3. Et là, on se construit une sorte de gigantesque arbre des possibles qui nous permet après de créer sans cesse. Il y a Lloyd Cherry qui dodeline de la tête. Oui, oui, oui, oui. Ah bah, c'est sûr, hein. merci Lloyd. Je vais préciser une chose, c'est que ça a été un tel choc de bonheur qu'après ces trois auteurs, tout le reste me paraissait fade. Et c'est souvent le problème. Voilà. Et je voyais qu'après, tout le reste, je me disais, bon, mais c'est une copie d'Asimov, c'est une copie d'Herbert, c'est une copie de Dick. Et je voyais pas l'innovation. Et je dois avouer qu'encore actuellement, donc, 30 ans après les avoir lus, je cherche tout le temps des auteurs qui puissent proposer autre chose que ce que ces trois pères fondateurs m'ont révélé à cette époque-là. Mais c'est un choc de bonheur, c'est-à-dire que quand je lisais Asimov, j'avais un plaisir. C'est-à-dire, c'est pas un plaisir intellectuel, c'est un plaisir physique. C'est-à-dire, je suis dans la joie de découvrir quelqu'un. J'ai des éclats de rire en tournant les pages, et ça me donne ensuite envie d'écrire. Ce qui est incroyable, c'est que ce sont trois auteurs qui vendent toujours énormément. Dune, le premier roman, l'année dernière, s'est vendu à 50 000 exemplaires. Asimov, à peu près 50 000 exemplaires de livres vendus l'année dernière, en 2020. Philippe K. Dick, tout le monde le lit encore. Donc, c'est des romans qui continuent à vendre des dizaines de milliers d'exemplaires par an. C'est ça qui est aussi dingue sur la durée. they didn't know where they was going, but they knew where they was, wasn't it? On a tous eu à un moment ou à un autre eu à prouver à une machine justement que l'on n'était pas un robot. Et il y a des moments de sa vie où des fois on peut avoir des doutes. Et si on était tous au fond des robots de la vie de tous les jours ? Eh ben tenez, si on écoutait Everyday Robots de Damon Albarn. Et j'en profite pour vous rappeler, mais je pense que vous le savez, que cette émission est réalisée par Céline Hila. Jeanne Paravert l'a préparée et aujourd'hui à la technique, Philippe Mercher. We are everyday robots on our phones. In the process of getting home. Of being so driving in adjacent cars, till you press restart. C'était Damon Albarn dans Blockbuster sur France Inter. Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20. Je répète, 01 56 40 30 20 sur le sujet du jour ou sur d'autres émissions de Blockbuster. Aujourd'hui, c'est Isaac Asimov. Et vous pouvez également nous parler sur la page Facebook de l'émission ou sur Twitter avec le hashtag BlockbusterFI. Souhaitez-vous entendre les trois lois de la robotique ? Leur présentation est, paraît-il, distrayante. Oui, d'accord. Voulez-vous reculer, monsieur, afin d'optimiser la présentation ? Première loi de la robotique. Un robot ne doit pas faire de mal à un humain et ne doit pas laisser sans assistance un humain en danger. Deuxième loi. Un robot doit exécuter tout ordre d'un humain, à l'exception d'un ordre visant à enfreindre la première loi. Troisième loi. Un robot doit se protéger dans la mesure où, ce faisant, il n'enfreint pas les deux premières lois. Andrew, ne refaites jamais ça. C'était un extrait de L'Homme bicentenaire de Chris Columbus, sorti en 1999, parce que 99, ça n'existe pas. Peut-être dans un univers parallèle, mais c'est plutôt 99. Et vous avez entendu Robin Williams, qui parlait à Sam Neill, doublé en français, par Michel Papinaski et Hervé Bellou. Anne Besson, même si Isaac Asimov a un bagage scientifique, il y a quelque chose qui frappe quand on lit ses ouvrages, c'est qu'il a un art de la narration qui le distingue immédiatement du scientifique qui pourrait être un petit peu verbeux. Oui, c'est un style très pur, très épuré, on peut même dire, même si effectivement c'est vraiment au service d'une mise en scène du travail intellectuel et du quotidien du scientifique. C'est une caractéristique très forte chez lui, mais il y a peu d'action, il y a quasiment pas de description et il y a beaucoup de dialogues qui vont permettre justement aux personnages de confronter leurs idées, de débattre de leurs hypothèses. Et c'est vraiment une expression de leur rationalité. Et c'est un art de la narration qui est très basé sur le dialogue et sur l'énigme. Il y a un caractère presque policier dans la plupart de ses nouvelles, et même dans des romans, qui sont des romans. Et d'ailleurs, il écrira des romans policiers également. Oui, tout à fait. Enfin, c'est des cycles de nouvelles sur le Club des Veuves Noires, où effectivement, c'est du pur whodunit à la Agatha Christie. C'est-à-dire, on a vraiment une énigme, des hypothèses, et puis des héros très statiques, des détectives qui ne bougent pas, qui réfléchissent. Et de la même façon, ces scientifiques vont au départ être confrontés à un contresens, quelque chose qui ne devrait pas exister selon les lois qu'ils ont eux-mêmes édictées, et ils vont devoir trouver la solution qui explique cette bizarrerie. Il maîtrise aussi parfaitement cet art de la fin ouverte qu'on pourrait même associer, alors toute proportion gardée, mais à ce qu'on appelle en série le cliffhanger, c'est-à-dire cette manière de laisser le lecteur ou le spectateur en suspens. On retrouve ça dans son style. En effet, il a très tôt, mais de manière stratégique en fait, pensé des manières de suspendre son lectorat qui obligerait ses éditeurs à acheter la nouvelle suivante. Asimov a très tôt considéré son activité d'écriture comme un métier, quelque chose qui devait lui rapporter, et il raconte de manière très savoureuse ses démêlés avec notamment John Campbell, son éditeur d'Astounding. Et voilà, c'est pour lui une méthode qui sert à accrocher son lectorat et à l'obliger à poursuivre sa lecture. Natacha Vazder, vous me disiez pendant la chanson de Damon Albarn que la thèse même d'Asimov qu'il a rendue en tant que chercheur, c'était déjà un premier pas vers la science-fiction. Oui, en fait, il a fait une thèse en biochimie. Alors, je me permets de vous la lire parce qu'elle est un petit peu complexe. Cinématique de la réactivation d'inactivation de la tyrosinase pendant sa catalyse de l'oxydation aérobique du catéchol. On dirait une question d'Augustin Trapenard. Tout à fait, mais en fait, Asimov, c'est vraiment, je pense, un personnage littéraire, mais aussi un personnage scientifique, une sorte d'écrivain total, un petit peu le Hugo de l'ASF. Alors, je fais référence à Victor Hugo, évidemment, et pas Hugo Gernsback pour cette fois-là. Mais il va, je dirais qu'en parallèle, en fait, de sa carrière d'écrivain, sa très grande carrière d'écrivain, c'est aussi un scientifique. Il ne faut pas oublier qu'il va devenir professeur d'université à l'université de Boston en 1979. En biochimie, vous voyez. Alors, un petit peu, enfin, longtemps après sa thèse, mais il va continuer quand même à toujours garder des liens avec le monde de la recherche. Et pour évidemment illustrer ce que disait Anne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de figures de chercheurs, Harry Seldon par exemple dans Fondation, des chercheurs, que ce soit chercheurs en histoire ou des scientifiques qui sont mis en scène, bien sûr, dans ses romans. Et un scientifique très tôt fasciné par la robotique et par les robots. Et Bernard Werber, on a entendu ces fameuses trois lois de la robotique. Et en tant qu'auteur et que créateur d'histoire, comment ça peut vous venir tout d'un coup ces trois lois de la robotique qui, en plus, désormais font quasiment office de véritables lois inscrites dans le marbre quand on construit des robots ou des intelligences artificielles? C'est parce qu'en fait, il est dans une position de Dieu par rapport à son roman. C'est ce qu'on appelle « world builder ». Il y a plusieurs sortes de romanciers, et les trois que j'ai cités, Asimov, Herbert et Dick, ont un point commun, ils savent bâtir des univers entiers, complets, et il y a Tolkien aussi qu'on pourrait rajouter, dans lequel, une fois qu'on est dedans, on est rempli de références internes à l'histoire. Et en tant que mathématicien, je pense qu'Asimov avait envie de poser des lois comme une sorte de constitution de son monde, et il joue avec ses propres lois. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces lois influent notre actualité, Et maintenant, on sait que ces lois ne sont pas respectées. Dès le moment où vous envoyez un drone pour tuer des êtres humains, un drone qui a sa propre intelligence artificielle, mine de rien, puisqu'il doit repérer les qui sont les cibles, en fait, c'est un robot de type robot à la Asimov qui n'a pas été programmé pour respecter la vie humaine. Mais cette position de Dieu, de son monde, est une position en même temps qui donne le vertige. Parce que dès le moment où on fabrique un monde avec des personnages, on est responsable de ce monde, on est responsable de sa cohérence. Et là, je vais reprendre une phrase de Dick, même si c'est pas... il est très difficile de faire... Si vous croyez que c'est facile d'être Dieu, essayez de faire un monde qui ne s'effondre pas au bout de 4 jours. Et je crois qu'Asimov est arrivé à faire un univers, l'univers de Fondation, comme l'univers de robots, qui résiste au temps. Et justement, l'une des choses que m'a enseigné, je pense, Asimov, c'est de fixer comme objectif une écriture qui a encore du sens dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Tout à l'heure, Lloyd disait que ça se vendait encore, les livres et d'Asimov et de tous ces auteurs se vendent encore. C'est parce qu'ils ont écrit en ne voulant pas être une mode, en ne voulant pas être un phénomène littéraire du moment, mais en se disant, il faut que ça tienne sur des centaines d'années. D'ailleurs, je crois que Fondation, ça démarre en l'an 10 000. Donc ça veut dire, c'est comme s'il disait en l'an 10 000, enfin, quand les gens lisent ça, ils s'aperçoivent que ça fonctionne encore. Bah surtout que dans Fondation, en plus, la Terre a disparu, ils ne savent même plus où elle se trouve. Enfin, il y a cette idée que notre civilisation, c'est quelque chose de complètement obsolète. Et je vais mettre ça en parallèle avec 1984. Moi, je me rappelle quand est arrivé 1984, on se disait, bon ben, est-ce qu'on va voir, est-ce que c'est comme dans le bouquin? On s'est aperçu que c'était pas comme dans le bouquin. Du coup, maintenant, l'année 1984, ça devient un élément du passé. Et ça perd tout le côté fascinant qu'a dû avoir Orwell quand il a sorti son truc. 1984, ça devait pas... Ça semblait tellement loin. Et 2001, le ciel de l'espace, pareil. Mais que là, quand vous dites l'an 10 000, l'an 10 000, il est sûr que personne ne dira, écoute, Asimov, t'avais prévu Fondation l'an 10 000, ça ne se produit pas. C'est sûr qu'on ne lui dira pas à lui. Hein. Oui. Non, mais en tout cas, il prend une marge de manœuvre. Mais en dehors de toutes les qualités qu'a Asimov, je crois que c'est un bon dieu de ces mondes et de ces personnages, et que ça tient le coup, c'est cohérent. Il y a un moment où le travail de World Builder, c'est comme un travail de plombier. Il faut réparer partout, parce qu'il y a des fuites. Et on s'aperçoit, je pense que c'est à la relecture que c'est le plus pénible, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez fabriqué votre monde, il faut le relire pour vérifier que tous les écrous soient vissés, que ça fonctionne. Et je crois savoir, j'ai un ami qui l'avait interviewé un peu avant sa mort, qui avait comme préoccupation d'écrire de plus en plus vite. Et il disait, maintenant j'arrive à écrire un roman en 9 jours, mais je vais essayer de réduire ce temps. Un peu comme les virtuoses. C'est-à-dire, il y a un moment, c'est tellement naturel, c'est tellement évident, c'est tellement facile, qu'ils peuvent pousser la ligne. Et Philippe Cadic avait la même référence, c'est-à-dire écrire de plus en plus vite. Et je pense que tous les deux tapaient très vite à la machine. Et ça, c'est une performance aussi des grands auteurs de science-fiction. L'œil de Chéri, on voit que Asimov, dans la manière dont il a édicté ses 3 lois, avait quelque chose de très très optimiste dans son rapport aux machines, ce qui est très très rare finalement, surtout à l'aune de nos sociétés modernes où on présente souvent des futurs dystopiques où les machines sont négatives et tout ça, alors que pour Asimov, les machines n'étaient pas un problème, mais une solution en devenir, et il était beaucoup plus optimiste envers les machines qu'envers les hommes. Ouais, c'est un grand défenseur des robots parce que il faut savoir qu'avant les nouvelles ou les histoires de robots, les robots étaient présentés comme dangereux. Et donc Asimov va réfléchir autour du complexe de Frankenstein qui est comme la créature de Frankenstein finalement est une créature dangereuse. Et donc lui, il imagine une société où on peut vivre avec les robots. C'est un des premiers qui a vraiment, c'est limite un utopiste à ce niveau-là sur l'utilité, l'utilisation de la machine. Donc il imagine des robots qui sont produits à la chaîne, qui sont d'ailleurs, on peut coder, dont les trois lois de la robotique. Il y en a même d'ailleurs une quatrième, la loi zéro, qui arrive plus tard, où c'est un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son incarnation, permettre que l'humanité soit exposée au danger. Et ce qui est une anecdote assez rigolote, c'est que quand Asimov est allé voir 2001 Odyssée de l'espace, il est sorti de la salle, furieux de voir ce que faisait HAL 9000. Il est sorti furieux de la salle. C'était robophobe. C'était voilà. Un film robophobe. Donc pour lui, il le dit d'ailleurs il y a eu un numéro du Bifrost, qui est une revue spécialisée autour des littératures de l'imaginaire. Et Asimov disait, mes robots sont les plus souvent bienveillants. En fait, au fur et à mesure que je racontais leur histoire, ils gagnaient en qualité morale et éthique, au point de devenir meilleurs que les êtres humains. Et dans le cas de Daniel, presque divin. Oui, donc effectivement, il a choisi son camp, comme on dit. Il y avait vraiment un amour pour la chose mécanique et une possibilité d'y voir une solution pour les problèmes de l'humanité. Anne Besson, de quoi parle le cycle des robots, même si je sais qu'il est délicat de vouloir le résumer tant les nouvelles partent dans des directions différentes? Oui, vous l'avez bien dit, c'est le cas, les nouvelles partent dans des directions différentes, mais globalement, elles ont été unifiées, comme le disait tout à l'heure Natacha, c'est un fix-up, en tout cas tout le début, autour de la vie et de la carrière de la psychoroboticienne Suzanne Calvin, et au fil de la carrière de cette grande chercheuse, les robots justement évoluent, deviennent de plus en plus complexes, à la fois de plus en plus spécialisés, et puis petit à petit, ils en viennent à diriger le monde pour le plus grand bien de l'humanité. Hein, les dernières nouvelles du premier recueil des robots nous montrent que les problèmes viennent des hommes qui essayent d'esquiver comme ils le peuvent le règne des machines, mais que pourtant ils devraient faire confiance à ces espèces de super ordinateurs, de super calculateurs qui réussissent à gérer une surpopulation de plus en plus inquiétante de la planète Terre et qui vont nous permettre de partir dans l'espace, hein, puisque ce sont aussi les premiers occupants de l'espace qui permettent la colonisation des planètes dangereuses. Donc voilà, que les robots, effectivement, c'est que du positif. Et d'ailleurs, il y a cette idée même que les robots vont sauver l'humanité à leur insu. C'est-à-dire qu'elles nous sauvent de nous-mêmes, alors même que l'humanité serait plutôt réticente à ça. Et il y aura dans son œuvre, il y a cette évolution vers la loi zéro qui permet de s'affranchir des trois premières lois. Aussi, il y a vraiment cette idée que finalement, dans l'humanité n'est peut-être pas encore apte à embrasser les qualités des robots. On sent ça dans son œuvre, Natacha Vazder. Oui, et ce que je voulais dire aussi, parce qu'en écoutant Lloyd, c'est qu'en fait, Asimov s'est quand même inspiré de deux auteurs qui s'appellent Earl et Otto Binder, qui ont écrit à la fin des années 30, en fait, aux États-Unis. Je crois que c'était dans Amazing, il me semble, les aventures d'Adam Link. Et en fait, Adam Link, d'ailleurs, le prénom Adam sera repris dans le film de Alex Proyas, iRobot. Et en fait, Adam Link, c'est le premier robot bienveillant envers l'humain. Et on sait quasiment de source sûre qu'évidemment Asimov s'est inspiré en fait de cet auteur. Alors c'est deux auteurs, hein, c'est une entité littéraire en fait, ces deux frères. Pas du tout la qualité littéraire évidemment des robots, mais par contre c'est l'idée, si vous voulez, qui est vraiment intéressante. Et puis je crois que dans le cycle des robots, en fait ce sont des êtres qui sont ultra bienveillant envers l'humanité, ça c'est clair. Lloyd a parlé du complexe de Frankenstein, c'est-à-dire qu'Asimov était quand même très agacé de voir que depuis quasiment le 19e siècle, ce qui est vrai, eh bien les robots étaient des robots destructeurs de l'humanité. Donc lui, il estime, si vous voulez, qu'on ne peut pas créer un robot sans penser à la sécurité de l'humain. C'est-à-dire que pour lui, un robot qui se révolte contre son créateur, c'est inconcevable, et on ne peut pas créer un robot sans penser, si vous voulez, à se protéger donc de la machine en elle-même. Donc c'est quelque chose qui l'agace fortement, et c'est une des raisons pour laquelle il va créer justement son cycle des robots. Et en même temps, on va voir aussi que, alors c'est un thème qui est couplé à l'intelligence artificielle, et que cette intelligence artificielle des robots, dans le cycle des robots, eh bien se transforme et va être extrêmement bienveillante envers l'humanité. Pour moi, je crois que la plus belle nouvelle, c'est quand même L'homme bicentenaire, qui date de 1976, où un robot souhaite devenir humain parce que il n'a pas la condition humaine, puisqu'il est quasiment immortel, sauf que ses maîtres, entre guillemets, c'est-à-dire les gens de sa famille dans laquelle le robot est placé, meurent les uns après les autres, génération après génération. Ils ne le supportent plus et ne souhaitent qu'une chose, c'est mourir comme les humains. Et c'est la fin, évidemment, de l'homme bicentenaire, qui est une fin absolument magnifique. Et cet appel des robots à devenir humains et faire preuve de plus de bienveillance que certains exemples de l'humanité, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans d'autres grandes œuvres de la science-fiction, notamment Star Trek de Gene Roddenberry, où le personnage de Spock, même si c'est un extraterrestre, ou plus tard Data dans Star Trek Next Generation avec le fameux commandant Picard, interprété par Patrick Stewart, sont finalement des sortes de fils spirituels des robots d'Asimov. Lloyd Cherry. Oui, il y a un mythe du bon robot, hein, depuis qu'on retrouve, qui est même d'ailleurs, moi, je penserais même un espèce de classique maintenant de la pop culture, où on va voir un robot protecteur qui va aider l'humanité. Et pour moi, c'est vraiment devenu même une figure de style. Et c'est alors, et puis il y a aussi Terminator qui est parti du cas au début contraire, et puis qui voilà, après le robot devient protecteur. Donc ouais, il y a vraiment un mythe du robot maintenant. Et je pense que c'est parti grâce à Asimov. Et c'est limite des fois un petit peu agaçant, parce qu'on se retrouve avec quelque chose d'un enfant. Souvent, on a le cas d'un enfant, jeune enfant, qui va être protégé par un robot puissant, et puis va avoir une espèce de chemin initiatique, et à la fin, le robot va mourir, mais l'enfant va devenir un homme. On pense au géant de fer, le dessin animé, on pense à Chappie aussi. Voilà, c'est une figure qu'on retrouve maintenant. Mais c'est intéressant que vous citez Star Trek, puisqu'il y a aussi une vraie idée utopique dans Star Trek. Oui, parce que justement, c'était un petit peu là où je voulais en venir, parce que dans Fondation, on a aussi cette idée que les humains se sont affranchis donc de la Terre, de la Terre-mère maternelle, et désormais ont conquis l'espace, se sont développés une fédération qui dépasse les frontières, les nationalités, et ont créé une sorte d'empire galactique, et finalement, c'est exactement la fédération dans Star Trek. Ouais, et puis ce qui est très intéressant avec Fondation, c'est qu'il y a cette envie d'Asimov de reproduire la chute de l'Empire romain. Qui est un classique d'Edward Gibbon, qui est publié entre 1776 et 1778. Et c'est pour ça qu'on peut maintenant relier Fondation avec l'actualité maintenant. C'est qu'on entend quand même maintenant un discours très catastrophiste. Voilà, c'est la fin de la civilisation. Le grand remplacement, même avec tout ce qui est en train de se passer autour de la question du genre, la question de la place de la femme dans la société. Enfin, on entend certaines voix plutôt à droite qui se plaignent. Voilà, que c'est le nouvel empire romain qu'on est en train de vivre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette peur, entre guillemets, enfin, moi, quand j'ai lu Fondation, je me suis dit qu'il y avait une vraie peur et une vraie réflexion d'Asimov autour de ça, du devenir de l'humanité. Et c'est pour ça que c'est une œuvre assez géniale, puisque ça promet, ça essaye de réfléchir au devenir de l'humanité sur des milliers d'années. Et justement, sur cette évolution des mœurs, l'œuvre d'Asimov est unanimement célébrée sur la planète, et quand j'ai cherché une séquence troll pour l'émission, je me suis tout naturellement tourné vers les adaptations cinématographiques qui ont souvent été contestées. Et pourtant, il y a mieux. Il est un domaine surprenant où Asimov a été l'objet de critiques. Oui, ça existe. Asimov, il y a des gens qui n'aiment pas. Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. C'est nul. Non, pas terrible. Zéro. C'est de la merde. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà. En 1979, Asimov confessait avoir une mauvaise habitude à laquelle il ne pouvait parfois pas résister, celle de jouer avec les soutiens-gorge de femmes à travers leurs chemisiers. Auprès d'un confrère de SF, Frédéric Paul, Asimov vantait les mérites de sa méthode d'approche des femmes, caresses déplacées ou pincements des fesses, et il disait « Vous faites beaucoup gifler, mais vous couchez aussi beaucoup ». Dans son ouvrage satirique The Sensuous Dirty Old Man, paru en 1971, il écrivait « La question n'est pas de savoir si une fille doit être caressée ou non, la question est simplement de savoir où, quand et comment la toucher ». Sa célébrité augmentant, son comportement est devenu de plus en plus flagrant. Asimov clamait ceci « J'embrasse chaque jeune femme qui veut un autographe et j'ai trouvé à ma grande joie qu'elles ont tendance à coopérer avec enthousiasme dans cette activité particulière. » Un mauvais moment à passer. Et alors, évidemment, en préparant une émission sur Asimov, j'étais loin d'imaginer que j'allais tomber sur le débat de cette fameuse culture de l'effacement, la cancel culture. Et je me suis demandé, est-ce que je n'en parle ou est-ce que je n'en parle pas ? Et c'est une situation dans laquelle j'étais perdant dans les deux cas. C'est-à-dire, soit j'en parlais pas et les gens me disaient « Ah, mais vous avez bien caché qu'en fait, c'était un petit pervers. » Et soit j'en parle et je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais enfin, c'était une autre époque, etc. » Et son œuvre reste quand même magique. Et moi, je pense que les gens sont grands, les auditeurs aussi, et on peut parler de la nuance d'un homme. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cet aspect-là chez lui aussi, Anne Besson. Oui, alors ce qui est vraiment très très étonnant, et que vous avez bien rendu avec les différentes citations, c'est qu'en fait, chez lui, c'est totalement assumé. Donc en fait, c'est effectivement pas quelque chose qu'il faut cacher, dans la mesure où lui, ça ne lui posait aucun problème. C'est-à-dire qu'il y a vraiment zéro gêne. Voilà, c'est... Alors, effectivement, c'est une autre époque, hein, très clairement, de ce point de vue-là. Fin des années 60, début des années 70, hein, le moment où il l'exprime complètement. Donc voilà, c'était une espèce de pervers, d'obsédé sexuel assumé et inefficace. Enfin, voilà, et c'était parfaitement connu dans le milieu, tout le monde le savait. Voilà, tout le monde, toutes les filles le savaient, tous les hommes le savaient, qui étaient quand même très, très, très majoritaires. Donc ça va avec cette personnalité d'Asimov qui est une espèce de narcissisme joyeux, complètement décomplexé et très, ouais, très très enthousiaste, très extraverti. Donc en fait c'est pas tellement sa face cachée, hein, c'est une face affichée et qui correspond, qui colle bien avec les autres traits de cette personnalité très particulière. Et puis pour rebondir à ce que vous dites, Frédéric, c'est bien d'en parler et de dévoiler toutes les faces des gens qu'on peut peut-être aduler. On parlait de Frankie Haber tout à l'heure dans le MOOC Dune que j'ai publié il y a quelques temps. On parle de l'homophobie de Frankie Haber. On parle que Frankie Haber était un mauvais père, en tout cas au début, où il trafiquait un détecteur de mensonges pour punir ses enfants. Donc c'est quelqu'un qui a été un mauvais père avec ses enfants, qui a en tout cas fait du harcèlement moral à ses enfants, qui étaient homophobes. Et c'est bien que maintenant, même dans le cas d'Asimov, que on puisse aussi dire que derrière le côté génial d'Asimov, il y a tout le côté de prédateur, puisqu'il y avait un côté prédateur sexuel en convention. Et puis bon, c'est quelqu'un d'assez arrogant, qui est carriériste, qui est voleur d'idées aussi, on n'en a pas du tout parlé, mais Asimov a volé plein d'idées partout, et il assumait aussi. Et puis bon, certaines idées ont été soufflées par John W. Campbell, on y reviendra peut-être. Mais c'est très intéressant la manière dont vous parlez d'Asimov, parce que ça me rappelle une figure qui, elle, correspond au comic book, mais qui est Stan Lee, qui est lui-même un créateur d'univers connecté, exactement comme Asimov, qui au fur et à mesure a donné une sorte de cohérence à son univers global, mais qui a lui aussi, comme casserole de plus en plus sonore derrière lui, le fait que, la paternité de ses créations et de ses idées, et puis deux aussi, oui, effectivement, un côté un petit peu harceleur, etc., qui malheureusement a tendance à coller aux hommes de pouvoir et arriver à un certain niveau de rayonnement culturel. Oui, dans le cas de Stan Lee, là, ce qui est un peu plus compliqué, c'est que on sent qu'on en parle très très peu, quoi. Pour le moment, ça va. Pour le moment, ouais, on sent quand même que Marvel fait attention. C'est pareil dans le cas de DC Comics avec le créateur de Batman, hein, qui piquait aussi les idées ou qui payait, oui, pas forcément les auteurs. DC n'en parle jamais. Bob Kane et Bill Finger, lui n'a pas eu la paternité artistique qu'il aurait dû avoir. Ouais, c'est ça, Bob Kane, tout à fait. Donc ça va sortir au fur et à mesure, mais c'est vrai qu'on observe un certain comportement et qui est un peu similaire pour des hommes entre guillemets surpuissants, et puis bon, qui sont aussi des personnages qui sont incroyables dans le sens où on les met sur des piédestals. C'est ça aussi, hein, le problème. Bernard Werber, quand on j'ai écrit de venir, j'ignorais tout ça. Quand on écrit des livres qui sont quand même des ouvertures vers des choses humainement et spirituelles très très fortes pour les lecteurs, est-ce que tout d'un coup pèse sur vous, en tant qu'auteur, une sorte de nécessité d'être à la hauteur de l'œuvre qu'on a écrite? Si jamais c'est une œuvre humaniste et tout ça, est-ce qu'on doit tout le temps être gentil, tout bien faire? Écoutez, dans mon dernier bouquin, La planète des chats, mon héroïne n'est pas vraiment gentille, c'est une chatte égoïste, mégalomane, égocentrique. Ah, donc ça vous laisse de la marge? Voilà, ça me laisse la marge. Et puis, ça lui donne une possibilité de rédemption. Vous pouvez faire des héros négatifs. De toute façon, maintenant, je vois même dans le cinéma, on voit apparaître des... Dark Vador est un personnage plus fort dans la Guerre des Étoiles que Luke Skywalker. C'est-à-dire que le méchant, par moment, fait avancer mieux l'histoire que le gentil. Moi, je crois qu'il y a un devoir de quelle idée on met dans la tête du lecteur. Dans la mesure du possible, j'essaie de mettre des idées qui vont lui donner envie de se prendre en main et de bâtir un futur meilleur. Je crois que si c'est pour le déprimer, lui faire peur et lui dire on va tous crever, on est responsable d'une saleté qu'on lui met dans la tête. Donc je pense qu'il faut mettre D'abord, il faut être responsable, avoir la perception du message qu'on transmet. Asimov me semble transmettre un message hyper positif. Moi, quand je termine de lire un livre d'Asimov, j'ai la pêche, ça me donne envie d'écrire, ça me donne envie de bâtir un monde meilleur pour mes enfants. C'est aussi ce que j'attends d'un auteur. Tout à l'heure, on parlait de Dune. Dune m'a fait un peu plus peur. Je me suis dit, quoi qu'on fasse, ça sera les fanatiques et les barbares qui finiront par avoir le dernier mot, tout simplement parce qu'ils sont dans un monde simple et logique, alors que les personnes qui réfléchissent se vivent dans le doute. Et Dick m'a amené à une autre pensée qui est-ce que je suis sûr de quoi que ce soit ? Voilà, donc une dimension de folie. C'est-à-dire, il y en a, c'est une réflexion sur les machines, l'autre c'est une réflexion sur la spiritualité. Alors après ces trois lectures, on n'organise pas de barbecue, hein, je vous le dis. Ben après la lecture d'Asimov, si. Après la lecture d'Asimov, c'est ce qui me plaît dans cet auteur, c'est un auteur positif dont le travail est basé sur l'intelligence, sur la capacité tout à l'heure, elle parlait du côté extériorisé, c'est-à-dire c'est un type qui donne. Qui a envie de vivre et de construire, voilà. Donc je le perçois vraiment comme tout à l'heure vous parliez de son côté sombre. D'abord, je crois que tous les êtres humains, si on va regarder, ils doivent avoir évidemment des défauts. Maintenant, je crois que ce qui va rester d'Asimov, c'est surtout cette vision sur l'avenir de l'humanité qui aboutit à une sorte de recherche de bonheur pour nos petits-enfants. C'est comme ça que je le perçois. Et c'est en ça qu'il me semble que son œuvre est nécessaire. Et je conseille à tous nos auditeurs, en tout cas, d'ouvrir le premier volume de Fondation et de vivre par eux-mêmes l'expérience. Parce que c'est une expérience qui est au-delà d'une simple expérience littéraire. Au commencement, il y avait l'homme. Et pendant un temps, tout se passa bien. Mais les sociétés humaines, soi-disant civiles, furent bientôt victimes de la vanité et de la corruption. Puis l'homme créa la machine, à son image. Ainsi, l'homme devint-il l'architecte de sa propre destruction. Mais pendant un temps, tout se passa bien. Les machines travaillaient sans relâche pour répondre à la demande de l'homme. Il ne fallut pas longtemps pour que les graines de la discorde prennent racine. Bien que loyales et pures, les machines ne jouissaient pas du respect de leur maître. Ces étranges mammifères se reproduisant à l'infini. On vient d'entendre un extrait d'un des courts-métrages La Seconde Renaissance de Mairo Maeda, sorti en 2003, qui fait partie du cycle Animatrix, qui accompagnait évidemment la trilogie Matrix des sœurs Wachowski. Et d'ailleurs, si vous pensez avoir compris Matrix mais sans avoir vu Animatrix, c'est faux, parce que toutes les clés de Matrix sont dans ce court-métrage. Mais non, mais c'est vrai, toutes les réponses sont là-dedans, en fait. Et effectivement, en écoutant ce passage, en revoyant ce segment, il y a une filiation directe entre l'œuvre d'Asimov et le travail des sœurs Wachowski. Et il est intéressant de voir qu'à un moment donné, Asimov a cessé d'écrire de la science-fiction et que quand il s'y est remis, cet optimisme dont on parle depuis le début n'a pas disparu, mais a été amoindri. C'est-à-dire que on sent qu'il a vu la guerre du Vietnam, il a vu la guerre froide, et qu'il s'est rendu compte que, oui, l'être humain n'était peut-être pas aussi prêt à franchir une nouvelle ère de bienveillance qu'il le pensait. Et donc, en fait, il a inventé une sorte d'univers dans lequel les choses seraient plus nuancées. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement chez les sœurs Wachowski, de leur manière d'imaginer une symbiose entre machines et humains, mais qui se ferait presque contre la volonté des humains en les manipulant un petit peu. Est-ce que c'est un constat que je suis tout seul à faire ou que vous partagez? C'est possible. Non, c'est effectivement la deuxième partie de sa carrière. Les choses sont plus difficiles narrativement pour les personnages et aussi peut-être un peu pour Asimov lui-même qui a décidé donc de relier ces deux grands ensembles complètement indépendants au départ qui étaient les robots et Fondation en tissant entre eux des liens qui vont lui prendre une dizaine d'années et de très très très très gros romans à réussir à établir, puisque il rajoute des romans au milieu, il rajoute des romans avant, il rajoute des romans après, de manière à donc réussir à finir cette fameuse histoire de l'humanité et de son évolution dont parlait Bernard Werber, qui se complique effectivement nettement, c'est-à-dire que c'est toujours un utopiste, mais l'utopie c'est pas facile, il y a plein de ratés successifs qui se produisent, et c'est à ce moment-là qu'il fait intervenir en fait les robots dans Fondation, c'est pour réussir à régler le problème. Et il règle le problème avec la loi zéro dont on parlait tout à l'heure, et en fait en disant qu'il y a toujours eu une espèce de deus ex machina derrière la psychohistoire, derrière les décisions que les humains pensaient prendre. Je ne spoil pas trop la fin, puisqu'il y a un gros rebondissement. C'est toujours le risque. Mais voilà, les robots sont effectivement finalement la solution au problème que l'humanité tente tant bien que mal de résoudre, mais n'arrive pas vraiment à une solution, y compris l'hypothèse Gaïa, hein, qui est une des grandes étapes de l'histoire de Fondation. À un moment, c'est une des options possibles, hein, de l'utopie. C'est une planète, hypothèse Gaïa, c'est-à-dire entièrement connectée, où faune, flore et tous les organismes, toute la géologie ne forment qu'une unité, hein, qui s'appelle Je, Nous, Gaïa. Une sorte de terre, hein, c'est une seconde terre, on y arrive en pensant que c'est la terre et en fait non, parce qu'on ne cesse de chercher la terre qui a disparu et qui serait la solution à nos problèmes, hein, une espèce de retour aux origines. Battlestar Galactica. Mais oui, voilà, il est derrière absolument tout. Non, mais c'est sûr, voilà, quand on déroule le scénario, on va tomber sur à peu près tous les grands classiques. Mais donc Gaïa n'est pas non plus la solution qu'il faut, qui équilibre, hein, dans un certain sens, le risque et la liberté. C'est la grande problématique d'Asimov, hein, c'est la problématique du déterminisme, hein, et de la liberté que ça laisse aux humains. Et donc il faut, hein, cette figure robotique quasi divine, hein, pour à la fois aider sans contraindre. Natacha Vazder, on sent aussi que Asimov anticipe aussi, sans ses effets pervers, mais la possibilité des réseaux sociaux de créer un sentiment de démocratie directe. Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Anne, moi je crois que Asimov s'est trouvé confronté à partir des années 80, eh bien tout simplement au monde du cyberpunk qui prenait vie. Donc cette connexion, il a quand même beaucoup réfléchi dessus en tant que scientifique. Et je crois que dans ces années du cyberpunk, je pense notamment à un auteur français, je crois que Bernard connaît bien, qui s'appelle Jean-Claude Denis, qui a créé une utopie d'une humanité future, qui s'appelle donc les connectés, où en fait on est tellement connectés les uns aux autres, et finalement les réseaux sociaux sont peut-être un côté, alors évidemment c'est très réaliste, mais en même temps c'est peut-être l'allégorie dans notre monde, dans notre réalité, de cette démocratie directe, c'est-à-dire que en fait en ayant connaissance des pensées de tous en même temps, on arriverait effectivement à lisser les problèmes et à trouver en fait du consensus. Parce que je crois que l'image aussi qu'il faut retenir d'Asimov, c'est quelqu'un de assez consensuel, peut-être, enfin qui cherche toujours en fait la meilleure des solutions possibles. Alors même si Gaïa est une possibilité, mais moi j'ai pas trouvé que c'était un très bon, c'est pas un roman qui m'a fait vraiment rêver, vous voyez. Mais il cherche à chaque fois la meilleure des solutions possibles pour l'humanité. Alors bon, peut-être se réfugier dans la robotique ou dans une espèce d'IA transcendante qui pourrait aider l'humanité, c'est peut-être un peu facile, disons que c'est un truc finalement d'écrivain de science-fiction, mais je crois que voilà, sur la fin, sur la fin de sa carrière, vraiment, ou la dernière partie, il a été confronté à cette réalité, peut-être aussi au dépassement de ses propres idées. Alors même si pour la robotique on reste toujours évidemment sur ces trois lois, enfin, ces quatre lois, mais je crois qu'il a été confronté en fait à cette réalité, et donc il a essayé finalement de trouver des pistes pour, on va dire, aider, enfin pour rester en fait optimiste sur l'humanité. Vraiment, je pense que plus la technologie sera avancée, plus chacun aura voix au chapitre. Peut-être même que c'est seulement par un surplus de technologie que nous pourrons avoir une réelle démocratie à l'échelle planétaire. Une démocratie où l'opinion de chacun comptera, où le moindre sujet entraînera un vote rapide, où chacun recevra une éducation bien plus efficace, où chacun sera mis au courant des problèmes et des solutions possibles. Bernard Werber, est-on à l'avènement de ce fantasme qu'il appelait de ses voeux ? Oui. Oui, je crois que on aura forcément une forme de démocratie qui passera par les machines, par les ordinateurs. On a déjà ça. Mais au moment où j'entendais Isaac Asimov parler, je pensais que maintenant ma propre instruction se fait par les podcasts. Donc là, ça va peut-être votre émission va aboutir à un podcast. Elle va participer à l'instruction des gens. Tous les jours, je me branche sur des émissions d'histoire et de science, et c'est comme ça que je continue. C'est comme si je continuais d'aller à l'université. La génération précédente, ils n'avaient pas cette possibilité. Donc, en général, une fois qu'ils avaient passé leur diplôme, c'est comme une fusée qui est lancée. Ils vivaient sur l'élan de cette fusée, mais il y a peu d'entretien permanent. Là, tous les jours, je m'instruis. J'ai bientôt avoir 60 ans. Je n'arrête pas d'apprendre, et plus j'apprends, plus j'ai envie d'apprendre. Donc, c'est exactement ce que disait Isaac Asimov, c'est que grâce aux machines, grâce à Internet, on est arrivé à nous instruire de manière plus intelligente et plus souple. Et j'aurais rêvé d'avoir ces outils quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, il y avait le programme officiel et on n'en sortait pas. Maintenant, j'adapte mon programme pour avoir quelque chose de plus riche, entièrement adapté à mes besoins. Quant à la démocratie par ordinateur qu'il a l'air d'évoquer, moi je rêve qu'un jour, une élection planétaire, c'est-à-dire que les 8 milliards d'individus s'expriment et disent est-ce qu'ils préfèrent consommer ou est-ce qu'ils préfèrent sauver la planète, et qu'on sache clairement, et s'ils préfèrent consommer, eh ben qu'ils l'assument, et dans ce cas, qu'ils ne se plaignent pas ensuite. Alors le problème, c'est que pour que tous puissent s'exprimer en même temps, ils seront obligés d'en passer par un outil de consommation. Dans un premier temps, oui. Ben, c'est le poison qui peut devenir le médicament. Tout à l'heure, Lloyd parlait de Frankenstein. Ben, Frankenstein fait peur, mais si on passe un certain cap, ça devient le sauveur. Il y a même une figure un peu christique, d'ailleurs, dans le roman de Shelley. C'est-à-dire, il souffre pour sauver l'humanité. Et d'ailleurs, cette notion se retrouve d'ailleurs dans plusieurs romans d'Asimov. C'est-à-dire que les robots prennent sur eux de voir leur destruction, leur propre destruction, pour que l'humanité comprenne quelque chose qui, pour l'instant, ils n'arrivent pas à comprendre. Je crois qu'on sera sauvé par les ordinateurs, je crois par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il y a deux choix. Il y a Matrix, une intelligence plus forte que nous finit par nous dominer, et il y a cette idée plus asimovienne que les ordinateurs, on peut les instruire pour leur montrer que leur intérêt est de nous sauver et de nous aider, parce que nous-mêmes, nous avons une pulsion suicidaire, et que une machine programmée pour nous aider pourrait nous sortir de cette pulsion suicidaire. Et d'ailleurs, est-ce que ça s'oppose véritablement à la vision de Matrix ? Parce que j'avais fait une chronique il n'y a pas très longtemps où j'expliquais justement que c'était les humains qui avaient obscurci ciel, et que les machines, en fait, avaient créé une sorte de symbiose où elles permettaient aux humains de continuer à vivre dans un paradis qui leur convenait, tout en elles, en extrayant l'énergie qui les faisait aussi survivre. Donc en fait, il y avait un côté donnant-donnant. Dans Matrix, ils nous aiment pas. Ils nous aiment plus, parce qu'il y a M. Smith qui dit « Vous êtes une espèce parasite, vous êtes comme un virus ». C'est ce qu'il dit. Donc, oui, mais même Smith est tout seul, isolé, il a un virus par rapport aux machines. C'est-à-dire que les machines considèrent Smith comme aussi un intrus au sein même de leur système. Mais il n'y a pas d'amour. Et on en revient à une notion finalement très ancienne, mais chez Asimov, il y a une infection de ces robots. On parlait de l'homme bicentenaire. Il aime les humains, il veut les sauver, il a envie de devenir comme l'oracle. Voilà. Mais au final, oui, l'une des problématiques, c'est est-ce que les robots nous aiment ou est-ce qu'ils nous aiment pas ? Et dans ce cas, est-ce qu'on peut les programmer pour qu'ils nous aiment malgré nous ? On en revient aux lois de la robotique. Ou qu'ils aiment l'humanité malgré les humains ? Voilà les vraies questions posées. C'est une question de philosophie. En fait, c'est un philosophe. On est en train de parler d'un grand philosophe. Et le cantonner à l'image de auteur de science-fiction qui raconte des histoires avec des fusées et des lasers, c'est vraiment rater tout le personnage. Le personnage a une dimension de grand penseur au même titre que les plus grands philosophes, et grecs ou allemands ou français. Mais d'ailleurs, Anne Besson, il y a très peu d'action à proprement parler dans l'œuvre d'Asimov, comme vous l'avez dit en début d'émission. C'est vraiment des joutes oratoires, des discussions, des raisonnements qui s'affrontent, qui s'opposent, on cherche. Des fois, on voit même des personnages qui balbutient des questionnements personnels qu'ils peuvent avoir. On n'est vraiment pas du tout dans une science-fiction où tout d'un coup, voilà, il va y avoir des vaisseaux, des tirs de laser, etc. Non, effectivement, l'enjeu, c'est de trouver la solution optimale pour la survie de l'humanité en convergence avec les robots. C'est effectivement donc une question philosophique qui est à l'arrière-plan. Au fur et à mesure de sa carrière, cependant, les romans qui s'allongent vont donner un peu plus de place à des voyages interstellaires, par exemple, et donc rendre peut-être un peu plus visuel sa science-fiction, qui sinon se prêterait très mal à l'adaptation, hein, comme on a pu en avoir quelques idées, parce que c'est vrai que c'est assez statique. Et on n'a pas assez parlé encore de la psychohistoire, ce principe qui est quand même fondateur de fondation, sur cette idée de prévoir le futur via des calculs, via des algorithmes, et influer sur le destin d'une civilisation. Natacha Vazder, la psychohistoire, en fait, est-ce que c'est pas l'ancêtre littéraire de ce que l'on nomme très basiquement aujourd'hui les algorithmes? Alors, il y a effectivement un lien avec les mathématiques, parce qu'en fait, la psychohistoire pour Asimov, donc là on retrouve quand même son rôle de scientifique, hein, voire de grand scientifique, en fait c'est la biologie évolutionniste qui est transposée dans le champ des sciences humaines. D'accord, donc ça c'est un premier point, et c'est la psychohistoire, en fait c'est une science du futur qui va mettre en équation, et c'est pour ça que vous avez parfaitement raison de parler d'algorithme, les différentes composantes du comportement social humain, ce qui va permettre quelque part, si vous voulez, de prévoir, alors sur évidemment 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, les grands cycles donc de l'histoire humaine. Cependant, quand même, dans Fondation, alors c'est un système, et c'est un système qui peut avoir ses failles. Et qui ne fonctionne pas forcément. Voilà, ouais. qui ne fonctionne pas forcément. D'abord, dans Seconde Fondation, avec donc l'histoire de ce mutant qui s'appelle le Mulet. Moi, c'est un de mes personnages préférés dans la science-fiction. C'est-à-dire que là, Asimov introduit la part de hasard. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, il y a un personnage qui intervient et qui va bousculer complètement le jeu en fait logique de la psychohistoire, enfin si c'est un jeu. Et là en réalité c'est Asimov lui-même qui va introduire donc sa propre conception de l'histoire, parce que lui il croyait beaucoup au hasard dans l'évolution de l'histoire humaine. Voilà, et donc le mulet eh bien représente en fait cette part de hasard qui va venir bousculer un système logique. Et puis il faut pas oublier que dans Fondation il y a deux fondations. En fait, il y a une fondation officielle et il y a une fondation occulte qui surveille la première fondation. C'est, en fait, je crois qu'on pourrait... la psychohistoire, c'est un petit peu les fondements de ce qu'on pourrait appeler une cryptocratie, c'est-à-dire une sorte de pouvoir du secret, de l'occulte, enfin d'un fonctionnement occulte. Donc, oui, on est quand même dans une sorte de théorie du complot. Hein. Ben, quelque part, oui, tout à fait. Donc, c'est simplement pour vous dire que c'est une question qui est, dans Fondation, c'est assez complexe, parce que Asimov va vraiment relier, en réalité, les théories de l'histoire. Donc, est-ce que l'histoire a un sens, est-ce que l'histoire a un progrès, ou est-ce que l'histoire n'est que chaos finalement, à des algorithmes mathématiques. Voilà, et donc c'est très intéressant parce que, comme d'ailleurs pour le cycle des robots, on va voir toute la part que peut avoir la science dans la création littéraire. Fort de ça, on sait que Apple TV s'apprête à lancer une série autour de Fondation. Et là, Loïc Chéri, je ne peux pas m'empêcher de poser la question, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire qu'on a affaire à une œuvre qui parle de mathématiques, de philosophie, de questionnements étalés sur des millénaires. Est-ce que c'est concrètement adaptable? Je crois que ça va être un des plus gros enjeux d'Apple, de la plateforme Apple Plus, puisqu'ils se sont spécialisés dans la science-fiction. Ils ont une excellente série chronique qui s'appelle For All Mankind, donc qui imagine que les Russes sont allés sur la Lune avant les Américains et l'histoire va changer. Donc en adaptant Asimov, qui se jugeait inadaptable Ça va être, je pense, un des plus grands enjeux de la plateforme Apple. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, ils annoncent déjà 8 saisons. Alors, moi, je sais vraiment c'est pas. Optimiste, hein. Voilà, je sais vraiment déjà. En fait, déjà, la grande problématique, c'est que la plateforme Apple Plus est peu populaire. C'est-à-dire que peu de gens se sont abonnés. Il y a encore pas assez de choses comparées à Netflix, Amazon Prime. Et puis, bon, bah, ils annoncent Fondation, donc qui est censé être leur espèce de Game of Thrones, quoi, pour être tout à fait clair. Et moi, j'attends vraiment de voir, puisque on a vu deux bandes annonces. La première me rendait plutôt optimiste. La deuxième, qui vient de sortir, me rend un peu moins optimiste. Du coup, je pense qu'il va y avoir, un vrai travail d'adaptation, notamment pour raconter en sous-texte qu'on ne voit pas nous, lecteurs, dans Fondation. Partant du principe que c'est David Goyer qui est censé c'est être ça. Plus ou moins le showrunner de la série, qui est le scénariste de Batman Begins, mais également de Blade Trinity, n'oublions jamais. Donc voilà, autant dire que c'était deux personnes que j'aurais pas. Enfin, Fondation et David Goyer, je les aurais pas mis ensemble. Au début, ça devait être le frère de Christopher Nolan qui devait s'occuper de ça. Il était parti dessus, il était hyper intéressé. Pour la petite histoire, il y a aussi Jean-Jacques Hano qui avait essayé de faire Fondation au cinéma. On l'a oublié, mais. Voilà, il a essayé de le faire, donc ce sera intéressant d'un jour de lui demander pourquoi ça s'est pas fait. Mais moi, ça me paraît très difficile. Alors après, j'ai posé la même question à Denis Villeneuve pour le MOOC Dune, en lui disant, mais pourquoi vous avez décidé d'adapter Dune, qui est considéré comme inadaptable? Il m'a répondu, la peur tue l'esprit. Donc voilà, la fameuse phrase gimmick de Dune. Donc je me dis que finalement, tout est possible, mais j'espère vraiment, parce que si Fondation fonctionne, ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau lectorat, plein de jeunes qui n'ont pas encore lu Fondation, les robots qui vont pouvoir se lancer dans ce cycle. Donc c'est et donc voilà. Alors, créer des éclairs de création comme ça a été le cas pour Bernard Werber quand il a découvert Asimov. C'est ça. Ben on espère. Enfin moi c'est tout l'enjeu. Je ne veux pas vous c'est... remplacer Bernard. Attention. Non mais vous pouvez. J'espère que il y a plusieurs générations d'auteurs qui se succèdent. Tout l'enjeu de ces nouvelles adaptations, c'est vraiment d'aller récupérer entre guillemets la génération Y et de les encourager en fait à découvrir des classiques. Et c'est ça qui est génial en ce moment, puisque quasiment tous les classiques de la SF sont rachetés par les plateformes, et aussi les classiques de la fantasy. Moi, j'espère vraiment que ça va pouvoir donner envie et de faire redécouvrir en fait ces chefs-d'œuvre aux plus jeunes. Justement, pour achever cette émission, quelle serait la nouvelle ou le roman ou l'œuvre d'Asimov à conseiller à quelqu'un qui n'y connaîtrait rien? Je vais les classiques, hein. Soit le premier volume des robots, soit le premier volume de Fondation. Je dirais peut-être les robots parce que c'est plus accessible quand même, un peu plus accessible que Fondation. Et la traduction a été retravaillée. Parce que malheureusement, Asimov n'a pas toujours été bien traduit. Donc on peut des fois avoir des mauvaises surprises. Donc moi je partirais plus sur les robots qui me paraît plus accessible et plus grand public. Mais peut-être Natacha et Anne diront autre chose. Non, tu as raison, il y a deux débuts, hein, et on commence par le début qu'on veut, même si les robots se passent aussi beaucoup bien avant, dans le temps. Hein, oui. Les robots, ça se passe en ce moment, dans les années 90 et 2000, ouais. Et 2000, oui. Et alors que Fondation, donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Donc oui, commencer par les robots, c'est une bonne option. Oui, et je vais reciter L'homme bicentenaire parce que je trouve que c'est une nouvelle où il y a toute la finesse de l'écrivain, la réflexion sur peut-être la condition humaine et la condition robotique. Et je trouve que c'est une très belle nouvelle. Donc commencez par ça et après les robots, oui, bien sûr. Mais la biographie d'Asimov est hyper intéressante. Il a sorti un livre autobiographique, Moi Asimov. Oui. Alors je pense qu'il y a beaucoup de choses hein, où il se met en avant et autres, mais c'est assez fascinant. Hein. Ça dit plein de choses. Il est très drôle. Et en fait, c'est quelqu'un qui est quand même. Il a beaucoup d'humour. Ouais. Il a beaucoup d'humour, donc on rigole bien en lisant ça. Et ça dit beaucoup de choses aussi sur l'histoire de la SF américaine que nous en France on connaît malheureusement pas beaucoup. Bernard Werber. J'aurais tendance à parler des nouvelles, parce que précisément, il y a quand même un grand problème qu'on n'a pas évoqué, c'est qu'en France, la science-fiction est assez faible, est mal présentée, n'est peu visible dans les médias, et qu'il y a un autre problème, c'est que les jeunes lisent de moins en moins. Alors, si les gens lisent de moins en moins, et que la science-fiction est très peu existante en France, il faut commencer par un accès facile, et les nouvelles, c'est un accès facile. Si vous donnez à un jeune Fondation, ou même si les robots, c'est des cycles de nouvelles, c'est pas aussi facile que il a fait plein de petits, de recueils amusants, j'en ai aucun en tête, mais les petites histoires, ont un avantage, c'est qu'elles sont très bien bouclées. C'est-à-dire, elles fonctionnent chaque fois comme des blagues. Il y a une chute superbe. C'est une discipline dans laquelle, par exemple, Stephen King n'arrive pas toujours à trouver la fin. Et lui, Asimov... On avait dit qu'on parlait pas de la Tour Sombre. Oh, ben même le fléau, on peut en citer plein. À chaque fois, il démarre très très bien, il n'arrive pas... Et Asimov retombe toujours sur ses pattes parce qu'il a fait un plan, et même y compris sur les nouvelles, et qu'il a une chute rigolote. D'ailleurs, c'est vrai, on n'a pas parlé de ça, mais il a énormément d'humour dans l'écriture. C'est pas facile de faire rire quelqu'un avec des mots et des pages qu'on tourne. Donc voilà, et il y a un vrai combat en France pour arriver, parce que tout ce qu'on a cité, c'est des projets américains, même Matrix, Star Trek, tout ça. C'est dommage qu'en France, il n'y ait pas ce renouveau de science-fiction, parce qu'on a quand même comme tradition Jules Verne, on a Barjavel, on a Pierre Boulle, oui. On a quand même eu chez nous déjà des créateurs de monde, des world builders, et c'est dommage qu'il n'y ait pas une nouvelle génération d'auteurs de science-fiction français qui prennent la relève et proposent des projets. Tout à l'heure, on parlait de Netflix ou d'Apple+. Pourquoi il n'y a pas de projet français originaux qui se démarquent de la culture américaine et qu'on montre, nous, qu'on a un imaginaire différent. Alors, on le trouve dans la bande dessinée française. Oui, c'est vrai. J'avais invité pour cette émission, mais il n'a pas pu venir, Mathieu Bablet, l'auteur de Carbone et Silicium. Et je trouve qu'il s'incarnait bien dans cette mouvance. Mais effectivement, on tombe sur un problème que vous venez de soulever, c'est que la bande dessinée aussi n'a pas forcément la représentation médiatique qu'elle devrait avoir. Il y a tout à faire. Après, il y a une forme d'espoir, puisqu'on peut voir qu'Alain Damasio a quand même vendu, avec Les Furtifs, 150 000 exemplaires. Et puis, L'Anomalie, qui vient d'avoir un prix Goncourt, c'est de l'imaginaire, même si ça n'assume pas que ce soit de l'imaginaire, mais c'est quand même de l'imaginaire. Oui. Et voilà. Donc, ça moi, je voudrais dire qu'il y a un peu... Mais ça bouge. Et voilà, ça bouge un petit peu. Je pense aussi à Romain Louis Cazot avec L'Assium, qui a vendu 50 000 exemplaires. Voilà, mais après, on est loin de ce qu'a connu Bernard, qui a aussi cette génération, qui a eu aussi beaucoup de succès. Je pense à vous, Bernard, mais il y a aussi Dantec, il y a eu aussi Bordage, il y a eu aussi Houellebecq, qui faisait aussi une forme de SF qui peut-être ne s'assumait pas totalement. Et c'est vrai que la génération des années 90 a pu avoir des gros succès. Et là, on commence un petit peu à voir ça avec la génération 2020, avec Alain Damasio en tête. Mais peut-être que la femme sera l'avenir de la science-fiction en France, parce que là, vous avez cité des hommes, mais je pourrais citer, par exemple, Catherine Dufour. Je pourrais citer Émilie Kermalec, qui est une jeune romancière tout à fait, enfin, qui, à mon avis, extrêmement prometteuse. Claire Duvivier. Voilà. Si, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes, mais aucune femme, pour l'instant, en France, à l'inverse des États-Unis, où là, c'est une espèce d'âge d'or des autrices de SF, pour l'instant, aucune femme en France n'a réussi, malheureusement, à dépasser un chiffre comme les 100 000 exemplaires. Et c'est vrai que ça va être un des grands enjeux, c'est que les femmes françaises, les autrices françaises commencent à avoir des succès, parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, ça explose en ce moment, c'est incroyable, mais c'est vrai qu'en France, historiquement, on n'a pour l'instant pas de femme qui n'a réussi à vendre 100 000 exemplaires, et ce qui est dingue qu'on voit l'histoire du genre chez nous, qui est quand même là depuis longtemps, quoi. Mais déjà, il faudrait que les médias s'intéressent, peut-être les médias généralistes, un petit peu plus à la science-fiction, et ensuite un petit peu plus aussi à la science-fiction qui est portée par les femmes. Alors, c'est pas un combat féministe, hein, c'est juste qu'il y a une question de visibilité qui va peut-être aussi, tout simplement, permettre un renouveau. Voilà, ça, c'est vraiment Natacha, la visibilité. Un conseil d'une auteure de science-fiction française à lire, là, pour les auditeurs. Catherine Dufour. Moi, je suis une grande fan depuis pas mal de temps, parce que Catherine, elle est percutante, elle est parfois un petit peu trash, et je pense qu'elle est en train de se renouveler justement en allant vers l'utopie. On a un mouvement de fond là actuellement. Je pense que tous nos auteurs ont vraiment exploré toutes les formes dystopiques possibles et imaginables, même en France. Et actuellement, ils essaient de se tourner vers l'utopie parce qu'ils sentent bien, pour reprendre l'expression, l'idée de Bernard tout à l'heure, qu'il y a quand même une responsabilité des auteurs qui sentent bien qu'il va falloir qu'ils changent l'ADN de leur imaginaire. Parfait. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Natacha Vazder, Anne Besson, Loïc Thierry, Bernard Werber, merci infiniment. Merci. Je pense qu'on a donné envie aux gens de découvrir Asimov, mais aussi de s'intéresser à la science-fiction, quelle que soit sa nationalité, parce que, et quel que soit son genre, parce qu'il y a énormément de pépites là-dedans. Dans le prochain podcast de Blockbuster, on va continuer de vous parler de science-fiction, mais aussi de mythologie, avec le dessin animé culte Ulysse 31. Vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou parler avec moi sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Est-il préférable pour l'humanité d'être libre de prendre des décisions qui aboutiront probablement à sa propre destruction, ou bien doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur au prix de sa liberté ? Alors, que souhaitez-vous le plus ? Croyez-vous possible d'avoir les deux ? Blockbuster est un podcast original de France Inter. France Inter.